Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin, que j'ai intitulée, sur RGM bien entendu, que j'ai intitulée « Urgence, soyons humains ». Le drame du SAMU de Strasbourg doit nous interpeller en tant que citoyens, mais aussi dans notre humanité. En fait, nous savons peu de choses et circonstances qui ont amené ce drame. Sinon, la conversation enregistrée est largement diffusée entre Naomi et la régulatrice du SAMU. Que s'est-il passé au préalable à cet appel au secours de cette femme en grande détresse? L'enquête mettra-t-elle en évidence les dysfonctionnements récurrents dans le dispositif des urgences? Rien n'est moins sûr aujourd'hui. En effet, certains intervenants ou responsables, ayant tendance à reporter sur la seule opératrice et son manque d'empathie et de discernement des responsabilités de ce drame des urgences. Il s'agit d'abord avant tout d'un drame des urgences. Certes, les propos tenus par l'opératrice sont inexcusables, mais est-elle seule en cause ? Et ces paroles ne reflètent-elles pas un état d'esprit visant à trier, voire éliminer des urgences qui n'en seraient pas? La question, il me semble, mérite d'être posée. Certains urgentistes ne répètent-ils pas, à qui veut les entendre, que la plupart des personnes qui arrivent aux urgences ne devraient pas recourir à ce service? Oui, mais que peuvent espérer les patients de la médecine généraliste, de moins en moins accessible, surtout les week-ends? Même Medigard a une tendance fâcheuse à renvoyer aux urgences, faute de possibilité d'intervention immédiate. De même, lorsqu'il est difficile, et on peut le comprendre, d'établir un diagnostic au téléphone. Toujours est-il que la plupart des patients déplorent les délais arrivés aux urgences de l'hôpital. Même les cas gravissimes sont relativement, si les cas gravissimes sont relativement bien pris en charge, des personnes souffrantes peuvent attendre des heures avant d'être soignées ou simplement placées dans un lit d'hôpital. Des cas ont été portés à notre connaissance ou des accidents du travail, sans toutefois de liaison grave, fort heureusement, ont attendu près de 14 heures une hypothétique prise en charge à l'hôpital d'Épinal, tant le nombre de patients recourant aux urgences était nombreux. De même, le SAMU est bien souvent surchargé d'appels et la régulation n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Qu'en est-il de la coordination entre le 18 et le 15? Est-elle toujours satisfaisante? Divers témoignages permettent d'en douter, surtout lors d'interventions nécessitant des délais importants pour effectuer des déplacements. Le fait d'habiter des endroits éloignés ou simplement des cités ayant une mauvaise réputation est un handicap lorsque l'on doit recourir aux urgences à domicile. Il est certain que l'on éloigne toujours davantage les structures hospitalières des citoyens. La lutte actuelle des Hauts-de-Saônois par rapport à la disparition programmée des urgences à Lure en est l'illustration. Encore faut-il préciser que c'est le cas un peu partout en France. L'accès aux soins, pas seulement hospitaliers, devient problématique et des déserts médicaux et hospitaliers s'installent partout. J'ai déjà eu l'occasion d'aborder ce sujet lors de mes chroniques. Il serait temps de reconnaître l'inégalité d'accès aux soins selon qu'on en est riche ou pauvre et que l'on habite la campagne, la montagne ou la ville. Au nom d'une certaine rentabilité, les services publics disparaissent ou sont privatisés avec des conséquences néfastes. Néfastes sur nos moyens d'existence, notre santé et notre environnement. Notre système de santé n'échappe pas à l'épreuve d'une recentralisation forcée, pour ne pas dire forcenée, qui la déstructure peu à peu, l'éloigne de l'usager, tout en la déshumanisant. Le patient est devenu un cas sur lequel il convient d'intervenir de la manière la plus rentable possible pour l'établissement, les déficits étant montrés du doigt. Certes, l'efficacité, y compris économique, des soins ne doit pas être négligée, mais pour autant, le patient en tant que personne humaine ne doit-il pas être au centre des préoccupations du monde médical et hospitalier ? Aucune intelligence artificielle ne pourra remplacer le dévouement, l'empathie des personnels soignants en nombre suffisant pour une réelle prise en charge du patient. Soyons humains. L'hôpital de proximité a sa raison d'être. Elle doit rester à taille humaine et favoriser l'accès aux soins, quelle que soit la condition sociale des assurés. À ce propos, ADEMAT lance un cri d'alerte. Tout n'est pas réglé pour la maternité de Remiremont. La lutte pour préserver l'intégralité des services de cette structure performante continue et s'inscrit dans la durée avec des enjeux qui sont et resteront d'actualité encore plusieurs années. L'ARS, tout en reconnaissant qu'il faut maintenir une maternité à Remiremont, laisse présager la fermeture du service de néonatologie et menace donc toujours la pérennité de la maternité en voulant la vider de la plus grande partie de ses activités. De plus, la redistribution et la mutualisation de l'offre de soins envisagée sur notre territoire, territoire des Hauts-de-Vosges bien sûr, par l'ARS fait craindre la fermeture des lits en médecine-chirurgie et la perte des urgences 24 heures sur 24. On y revient toujours, hein, parce que le SAMU, même s'il intervient à domicile, bien entendu, est obligé, à un moment ou à un autre, de diriger les patients vers l'hôpital. Donc, urgence qui risque d'être amputée, notamment la nuit à l'hôpital de Remiremont. Il est rappelé qu'ADEMAT donc, organise ce week-end, à partir de vendredi soir, conférence, d'abord vendredi soir, et puis des après-midi et soirées festives, avec le concours de replay au Palais des Congrès à Remiremont. Voilà, je vous laisse méditer au cours de cette journée sur la difficulté des urgences, hein, parce que le cas de Naomi est un cas quand même peut-être spécifique, mais n'empêche, révèle quand même un malaise aux urgences en général et nombre de personnes qui sont obligés de fréquenter ces urgences, déplorent bien sûr les délais d'attente, déplorent la façon dont ils sont reçus aux urgences par du personnel, mais souvent stressé et surchargé de travail. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée à toutes et à tous, et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.